Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer le chapitre 15 et nous allons continuer dans la même lignée de pensée qu'hier, qu'on est en train de voir dans l'évangile de Matthieu une transition vers le peuple d'Israël vers les nations. Et l'auteur nous prépare ou prépare les Juifs à qui il a écrit son évangile à comprendre la raison qu'à la fin, aller vers toutes les nations. Parce que quand ils ont reçu l'Évangile, eux, l'Évangile était déjà rendu en dehors de Jérusalem, en dehors de la Samarie, en dehors d'Israël. Il était peut-être rendu en Syrie, puis à Antioche et ailleurs. Donc, l'Évangile était déjà sorti. Puis les Juifs devaient se dire, mais comment se fait ça? Comment se fait ça? Que ça ne reste pas ici à l'intérieur. Et même parmi les gens dans l'Église, si vous voyez les Actes des Apôtres, beaucoup de Juifs chrétiens avaient de la misère à comprendre. Puis ils voulaient arrêter Paul, puis ils voulaient changer les choses, ils voulaient judaïser, ils voulaient amener les non-Juifs à judaïser. On avait de la misère à comprendre qu'il allait en dehors. Mais on va voir ce matin un petit peu. Ça commence à se tourner dans cette direction-là. Notre Père du ciel aide-nous à comprendre, encore une fois, tout ce qu'il était en train de faire et l'œuvre que tu vas accomplir à travers tes disciples qui vont atteindre toutes les nations du monde. Seigneur, aide-nous à voir comment tu réagis, toi, dans les différentes situations que tu as vécues pendant que tu es sur la terre. On ne veut pas savoir ce que les gens pensent de toi, mais on veut savoir, toi, comment tu as agi, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit. Au nom de Jésus, amen. Nous allons lire, si vous voulez bien, le texte dans Matthieu chapitre 15. On va lire du verset 21 jusqu'au verset 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc, Jésus ici est en Galilée, au verset 21, et il se retire. Après avoir été attaqué par les pharisiens et les scribes, il se retire. Il part de là, et il s'en va vers Tyr et Sidon. À l'ouest de la mer de Galilée, il s'en va vers la mer de Méditerranée et il s'éloigne, il sort d'Israël et c'est une des rares fois qu'on le voit se retirer et aller en dehors. Et là, arrive une femme cananéenne. C'est pas une juive. Elle arrive et elle se met à crier. Et on ne sait pas d'où est-ce qu'elle sort. On ne sait pas ce qu'elle a ramassé ça. Comment est-ce qu'elle a été mise, comment est-ce qu'elle a pu faire pour savoir cela? Mais sa théologie, elle est parfaite. Aie pitié de moi. Donc, elle admet qu'elle ne mérite pas. On n'implore pas la pitié quand on peut commander, quand on peut exiger, quand on peut que quelqu'un nous doit quelque chose. On lui dit, donne-moi ce qui me revient. Mais quand on dit, aie pitié de moi, on admet par là qu'on ne mérite pas. Et elle dit, Seigneur, elle revoit comme quelqu'un de grand, un maître, un dirigeant, quelqu'un d'important, quelqu'un qui a le droit de lui dire des choses, de lui ordonner des choses. Et là, elle dit, fils de David. Et elle emploie un terme messianique. D'où est-ce qu'elle tient ça? On pourrait essayer de se creuser les méninges, puis avoir toutes sortes de suggestions, mais le texte ne nous en parle pas. Mais sa théologie est parfaite. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, Messie, Messie, Seigneur de ma vie, aie pitié de moi. Et elle demande à Jésus, « Ma fille est tourmentée par le démon. » Et elle crie ça. Et elle crie ça assez longtemps, parce qu'elle finit par les énerver, en tout cas énerver les disciples. Jésus, lui, ne lui répond pas. Jésus, au verset 24, il répond, verset 23, il répond rien. Il fait juste continuer à marcher et il l'ignore totalement. Et après un certain temps, les disciples s'approchent et disent, Seigneur, faites quoi? Hein? Faites quoi? Elle nous énerve au bout. Traduction François. Renvoie-la. Dis-y qu'elle s'en aille. Dis-y qu'elle débarrasse le plancher. Parce qu'elle crie derrière nous. Est-ce que les disciples, ça les fait juste les tanner? Ou avaient-ils peur de la réaction de ces non-juifs-là? Parce que l'harmonie n'était pas très grande entre les deux places. C'est tout ça. En tout cas, peu importe. Mais ils veulent qu'elle s'en aille. Finalement, Jésus arrête et il dit à ses disciples et à la femme, on n'est pas sûr, au verset 26, il répondit aux sept disciples. Il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce qu'il s'adresse à la femme? Est-ce qu'il s'est tourné vers la femme quand il lui parle? Après l'instance des disciples, est-ce qu'il visualise les disciples? Probablement qu'il est tourné un peu vers la femme, mais en tout cas, finalement, la femme réagit. Et je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit, pour mon 3 ans ici de ministère, je vais me confondre seulement qu'en Israël. Je vais rester seulement qu'en Israël. Je vais interpeller les enfants d'Israël. Je vais appeler à la repentance et à la foi les enfants d'Israël. Il dit bien les brebis perdues d'Israël. Israël est perdu. Israël est égaré. Israël est sans berger. Israël est abattu et découragé. Israël a un cœur pourri. Israël est plein de traditions et d'enseignements d'hommes. Je suis venu pour Israël. C'est le but d'accomplir les prophéties. Le Messie venait pour Israël, premièrement. Mais la femme vient se prosterner devant Jésus. Elle l'a appelé Seigneur, fils de David. Donc, elle vient se prosterner. Elle n'exige rien. Aie pitié de moi, hein? Aie pitié de moi. Seigneur, secours-moi. Secours-moi, Seigneur. Il répondit au verset 26, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Wouhou! Avec tous les droits civils qu'il y a aujourd'hui, il y en a qui n'aimeraient pas ça. Hein? Un homme, imaginez-vous la scène sur la Sainte-Catherine à Montréal, un homme, une femme, face contre terre, prosternée devant Jésus, aie pitié de moi. Et Jésus lui dit, ce que tu demandes, c'est pas bon que je te le donne. Je veux le donner aux enfants d'Israël. Je ne vais pas le donner aux petits chiens que tu es. La madame me semble très correcte dans sa tête. Oui, Seigneur, dit-elle. Oui, tu as raison. Tu as raison. Et elle emploie le terme que Jésus a employé en parlant d'elle. Mais les petits chiens. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Seigneur, ce que je te demande, est-ce qu'elle compare ça? Est-ce que j'ai le droit de comparer ça, les miettes avec l'enseignement de Jésus, les miettes avec les... Ce que je te demande là, de guérir ma fille, de chasser le démon, c'est juste une miette en comparaison avec tout ce que tu vas faire? Peut-être. Mais madame, elle est consciente. Ce qu'elle demande, c'est très petit en comparaison avec ce que Jésus est venu faire, lui, le fils de David. Et Jésus lui répond, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Ta fille va être guérie, le démon en est sorti. » Encore une fois, il est important de comprendre ici, dans le contexte de Matthieu, hein? Jésus est le Messie, le roi des Juifs, qui devait venir. Il vient établir le royaume des cieux en Israël, premièrement. Il appelle le peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu depuis des millénaires, il appelle ce peuple-là à le recevoir comme Messie, à le recevoir comme celui qui vient établir le royaume des cieux. Et il exprime que c'est son intention dans les premiers versets qu'on a lus. Mais il ouvre une porte ici, devant la foi d'un inconverti, d'un non-juif, une païenne, une gentille, comme nous, Québécois, qui ne sommes pas juifs. La porte est ouverte ici à ceux qui ont la foi que Jésus est le Seigneur, le Fils de David. Ceux qui ont cette foi-là, que Jésus vient établir quelque chose de grand, de merveilleux, de fantastique. Jésus répond à la foi de ces gens-là. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, je crois que Matthieu est en train de dire pourquoi Israël a rejeté, on a vu ça hier, qui a rejeté, c'est un peuple au cou raide, un peuple au cœur hypocrite, un peuple qui honore Dieu des lèvres, mais que son cœur est éloigné de lui, un peuple qui le rejette, qui l'accuse, un peuple qui veut le faire mourir, finalement. Comme on a vu au chapitre 12, ils ont fait des plans pour le faire mourir. Jésus ouvre une porte ici à toute personne en dehors d'Israël qui a la foi, comme cette femme, qu'ils peuvent bénéficier, que Jésus va intervenir dans leur vie. Oh, il va retourner en Israël, puis c'est une rareté ici, mais ça nous laisse une porte ouverte. Pourquoi est-ce que les païens, eux autres, que les Juifs pensaient que le Messie ne viendrait pas pour eux autres, les païens vont bénéficier de ce que Jésus voulait amener aux Juifs par la foi. Par la foi. Petite séquence de quelques instants, quelques heures. Hein. Comment ça s'applique le temps, on ne sait pas, mais quelques heures. Ça nous en dit beaucoup, n'est-ce pas? Jésus pouvait reconnaître hier l'hypocrisie des Juifs avec leur tradition, avec leur enseignement d'homme, mais il est capable de discerner la foi de cette femme. La foi de cette femme. Les pharisiens et les scribes l'ont appelé rabbin, seigneur. Ils ont toutes sortes de noms. Mais Jésus pouvait voir chez cette femme la foi. Ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Fils de Dieu et qui approchent le Seigneur, fait aie pitié de moi, aie pitié de moi. Ce même Jésus-là, aujourd'hui, intervient dans la vie de ceux qui crient à lui aussi, qu'ils soient de peu importe de quelle nation ils soient, et va répondre à leur foi. Le plan de Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Il était venu établir le royaume des cieux. Lui, le nouveau roi, le roi éternel. Les Juifs, leur cœur était souillé. L'ensemble du peuple, c'était souillé. Il y en a une petite partie que leur cœur, qui avait été planté, je voudrais dire, par le Père, qui vont vraiment se convertir et croire au Seigneur Jésus. Et il y en a parmi les non-juifs, qui vont se convertir aussi, et qu'on voit comment ça fonctionne dans les Actes des Apôtres, comment ça commence petit à petit à une grosse majorité de juifs, et tranquillement, vers le chapitre 12, 13, 14, 15 des juifs, ça se tourne, et à la fin des Actes des Apôtres, l'Église est majoritairement non-juive. Et on peut croire quand même que Jésus était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu et qu'il a établi le royaume de Dieu, promis dans l'Ancien Testament. On comprend, en lisant des passages comme cela, on comprend que c'est le Messie qui devait venir, c'est le royaume qui avait été promis. Même si c'est devenu majoritairement non-juif, c'était le royaume promis. N'attend pas un autre royaume où est-ce que les Juifs vont prendre la prédominance. C'est fait maintenant. Comme c'était fait ici dans les deux textes qu'on a vus hier puis aujourd'hui. Notre Père du ciel, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que nous avons crié, aie pitié de nous. Seigneur, fils de David, tu as eu pitié de nous. Tu as eu pitié de nous. Mais je prends le temps de dire encore une fois que si nous avons crié ainsi, comme cette femme cananéenne, c'est parce que tu as travaillé dans notre cœur. En tout cas, moi aussi, j'étais comme eux autres. Moi aussi, j'avais mes commandements d'homme. Moi aussi, j'avais mes traditions humaines. Moi aussi, j'avais un cœur souillé. Donc, pour que je puisse crier, il faut que tu interviennent dans ma vie et que j'ai pu crier « Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. Qu'il te soit fait selon ta foi. » Il ne nous a pas délivrés d'un démon, mais il nous a délivrés de la mort. Il nous a transportés des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume des cieux. Amen.